Eh bien, salut tout le monde, bienvenue à l'Accroche-Oreille, édition du dimanche 1er octobre 2017. Alors, ce soir, je vous propose une émission entièrement consacrée à une compilation intitulée Imaginary Landscape New Electronic Music. C'est une compilation qui est parue en 1989, ça fait une trentaine d'années, et ma foi, ça conserve toute sa pertinence. Alors, cette compilation, ce soir, elle est inspirée d'un travail que réalise une œuvre, je devrais dire, que réalise John Cage en 1939, une œuvre composée qui s'intitule Imaginary Landscape No. 1. C'est une œuvre pour deux tourne-disques, un piano préparé et des percussions. Cage inaugurant de la sorte le mouvement de la musique électronique en direct. En tout cas, s'il n'est pas le premier, il est parmi les premiers instigateurs. Alors, cet album comprend des enregistrements réalisés au festival Imaginary Landscape qui avait lieu en 89 au centre-ville de Manhattan. Et il illustre à quel point la musique électronique a considérablement évolué à cette époque. Cette compilation qui a été publiée par l'étiquette Electra Nonesuch en 89 est vraiment un bel échantillon des tendances de la musique électronique de cette époque. Alors, on parle de la fin des années 80. Et encore des créateurs sous l'influence de John Cage 50 ans plus tard. Alors, toutes ces créations ont été regroupées par le compositeur Nicholas Collins. L'album Imaginary Landscape se voulait à l'époque une illustration des nouvelles sonorités du quotidien, des sonorités combinant toutes sortes d'influences, de la musique du monde, du jazz et du rock and roll, mais tout ça filtré par de jeunes compositeurs ayant fait leurs études avec des artistes renommés à l'époque, déjà les David Tudor et Alvin Lucier, qui se retrouvent d'ailleurs sur cette compilation. Alors, pour débuter, on écoute d'un seul trait, je dirais, quatre pièces tirées de cet album. Une première avec Alvin Lucier, une deuxième Christian Marclay, David Tudor et Mark Trail. Thank you. Alors, on vient d'entendre une pièce intitulée Simple Degradation Border. C'est tiré de l'album de la compilation Imaginary Landscape, New Music Electronic que je vous fais entendre ce soir. C'était précédé dans l'ordre la première pièce d'Alvin Lucier qui s'intitulait Music for Alpha Wave. Vous avez reconnu Christian Marclay, elle travaille avec ses platines, une pièce intitulée Black Stucco. Et enfin, David Tudor, un extrait de pièce qui s'intitule Dialecte. Alors, vous pouvez retrouver l'ensemble des pièces ou réécouter l'émission en balado sur le site lacrocheoreille.wordpress.com. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Ce soir, je vous fais entendre des pièces en continu. Alors, c'est pas toujours évident de retenir, de faire le pont avec les intitulés. Alors, avant la pause, on écoute Laetitia Sonami, une pièce qui s'intitule What Happened. C'est l'histoire de sa vie qui commence. Elle nous raconte, son amie, cette histoire de vie qui commence plutôt calmement. C'est lu avec une voix régulière, mais vous allez entendre que ça devient progressivement érodé par des pannes électroniques, ce qui réduit l'histoire à une série de sons abstraits qui conservent tout de même une cadence dans la parole, même si la signification disparaît. Alors, lorsque la voix est reconstituée à la fin de la pièce, on est privé de certaines parties qu'on peut considérer comme des parties cruciales de cette histoire. Alors on écoute Laetitia Sonami, What Happened? When I had a baby, I lost my sex drive. My husband came home from the war and found me sleeping with a woman. He took her away. They ran off together. My baby died. I got my sex drive back and had another baby. I married a man who brought with him two children of his own. He loved them dearly. He stayed home to care for them. I went out each day to make money, but found I hated my job. I quit. The man who gave me the job threatened to kill me if I left. He didn't kill me. I got another job. I fell in love. The person I loved did not love me. He told me to get lost. I threatened to kill him if he went out with other women. He did. I shot him. He recovered and came back to me begging my forgiveness. I couldn't love him anymore. I quit my job. We moved into a larger house and the children entered school. I spent the days cleaning the house and redecorating. In the evenings we had small dinner parties. My husband decided to get a job. Another war broke out. Another war broke out. We had to open our house to strangers who stole our things. My husband fell in love with one of them and left me with the children. When he returned a few months later, he had lost the ability to speak. An automobile accident. He listened to the radio. He played with the children. I began working in a hospital where I ran into my first husband, who was having a brain tumor. They didn't expect him to live. His memory was short. He couldn't recognize me. He recovered from soon after died of a stroke. He had become obese. I contracted him with two things, which afflicted me on my right side. It was a tiny cut with part of the back like this, left in skin. I became frequently to uncontrollably. The doctor died. It was a mistake. My husband and children called to me. I took a ring, yet I can't remember from each day. They are good, cool, and fine. Fine. I found that it was my last beat. After all, I should go out more and that I'm neglecting my personal hygiene. I'm happy though, doing exactly what I want. Fortunately, I don't remember much of what I have suffered. I know I experience those things, but I can conjure them up with any veracity. But the pleasure I can recall vividly, the pleasant sensations. I'm going through it all systematically, keeping records of what I relive. I can recall the dresses women wore to my parties, the sounds men made when we were making love. I can recall the patterns of the rugs on the floors of the different fine homes we visited over the years. I'm certain my memory of these things is better than anything I could experience today. Vous écoutez CKRL 89.1. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Et l'information différente, locale et alternative. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Parenthèse 9. La patente Atelier coopératif. Le Pignon bleu. Collectif Les accompagnantes. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. L'accroche-oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Alors voilà, on est de retour, l'accroche-oreille de ce dimanche 1er octobre. Alors, je vous propose ce soir l'écoute d'une compilation réalisée en 1989 sous l'intitulé Imaginary Landscape, New Music Electronic. C'est un album regroupant des artistes autour de cette idée de paysage imaginaire. On a entendu tout à l'heure les David Tudor, Alvin Lucier, Laetitia Sonami. Et là, on va explorer encore avec des artistes qui inspiré du compositeur John Cage, qui à l'époque, on parle de la fin des années 30, début des années 40, qui va utiliser le piano, des tonalités électroniques, deux tourne-disques comme instrument et des percussions, des cymbales pour être précis, pour créer ses premiers paysages imaginaires. Alors, je vous fais lecture de la réflexion de Nicholas Collins, qui est le commissaire de ce projet sonore à propos de John Cage de cette pièce intitulée Imaginary Landscape No. 1 qui date tout de même de 1939. Alors, j'ouvre les guillemets, c'est Nicholas Collins qui parle. Alors, il dit, au lieu d'utiliser l'un des instruments électronique coûteux de l'époque, comme les ondes Martenot ou le Theremine, John Cage utilise un tourne-disque qui est un appareil plutôt abordable, jamais considéré comme un instrument qui pourrait théoriquement être joué par n'importe qui. Alors, avec un œil quasiment prophétique vers d'autres lieux de performance, Cage suggère que la pièce soit réalisée essentiellement pour diffusion, que les sons soient placé dans un paysage organisé d'une manière nouvelle et radicale qui imitait en quelque sorte la manière dont les sons existent dans la vie quotidienne plutôt que de les forcer à ressembler à une audition de vieux instruments. Alors, un peu comme Cage l'a plaidé dans son manifeste de 1937 qui s'intitule The Future of Music Credo. Alors, on écoute ensemble quatre pièces en continu. Une première pièce de Marianne Amacher, une seconde de Neil Nick, une pièce de Nicholas Collins, le commissaire et aussi compositeur, et enfin une quatrième pièce de Ron Kivila. Thank you. Alors, on vient d'entendre une pièce intitulée « Balkanisation ». C'est de l'artiste Neil Birolnik. Et précédait cette pièce, Marianne Amacher, un extrait de la pièce intitulée « Stain the Music Room ». Toujours en écoute de cette compilation qui s'intitule « Imaginary Landscape », produite en 1989. C'est pour dire comment ça a plutôt bien résisté à l'usure du temps. Alors, on poursuit, on écoute une pièce de Nicholas Collins qui s'intitule Real Electronic Music. Nicholas Collins qui a organisé, édité cette compilation. Ça sera suivi de Ron Kivila, extrait de Loose Cannon. We'll be right back. Alors voilà, on vient d'entendre une pièce de Ron Kivula qui s'intitule Loose Cannon. Alors, toujours à propos de cette compilation, le commentaire de Nicholas Collins, le réalisateur de la compilation Imaginary Landscape, il dit ceci, cet entrelacement de la technologie avec ses implications musicales et sociales a distingué cette pièce de John Cage de toute autre musique de l'époque. Alors, il parle évidemment de la pièce Imaginary Landscape No. 1, réalisé par Cage en 1939. Alors, il poursuit, le paysage imaginaire de Cage était vraiment de la nouvelle musique qui allait donner naissance aux travaux de Pauline Oliveros, Steve Reich, Terry Riley, Philip Glass, Mariana Macher, Lamonte Young, David Tedder et leurs contemporains et étudiants. Alors, on peut dire que 1939 est la date de naissance de la live electronic music. Alors, c'est Nicholas Collins qui nous raconte cela. Alors, pour clore l'émission, on écoute une pièce de Shelley Hirsch et de David Weinstein. Ça s'intitule On the Swing. Alors, voilà, ça va compléter l'émission L'Accroche-Oreille pour ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine, dimanche 21h, sur les ondes CKRL 89,1. Et puis, comme d'habitude, eh bien, soyez attentifs au son autour de vous. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. L'accroche-oreille vous a été présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. ne pas manquer sur La Fabrique culturelle. J'ai déménagé avec mes appareils photo et tout ce que j'ai porté était 5 caméras analogues, 2 trépieds et une drape noire. Le temps révélé. Hommage en photo aux petites franciscaines de Marie. Tu t'es bon doux. Ah, vous riez. Je me reconnais. Vous me reconnaissez, vous riez. Je vous disais, ne riez pas, mais... Lafabriqueculturelle.tv. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Et l'information différente, locale et alternative. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. CKRL, la radio communautaire de l'année pour une troisième année consécutive. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. La bande vidéo, les éditions Intervention, Table de quartier, l'engrenage de Saint-Roch, Société d'art et d'histoire de Beauport. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Audiolite, amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. La 27e édition des Rendez-vous Estrade, du 6 au 9 octobre dans le quartier Petit-Champlain. Plus de 30 artistes porteurs de traditions provenant de tous les coins du Québec et des États-Unis, dont les Paul à Colin, Jeremiah McLean Trio, Wabo Barbecue, Robert Legault et plusieurs autres. 4 journées remplies de musique, de chansons et de danse. Au programme, concerts, ateliers, lancement d'albums, veillées de danse traditionnelle, cabaret de chansons à boire, randonnées chantées et jam de fin de soirée. Découvrez toute la programmation sur estrade.qc.ca, un festival qui présente une vision contemporaine des traditions musicales d'ici et d'ailleurs. Vous écoutez La Totale, la chanson francophone sans interférence.